la 25e, on est là, vous inquiétez pas, on arrive dans les studios, yes. When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K, tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. For those that like the same sex, have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye, I don't know. Bye-bye. And I can't change. Bye-bye. Even if I tried, even if I wanted to. Was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion. Gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody, there is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right, I support it. Sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut des petits, ma carte de crédit. Photo Snapchat du lundi au lundi. Elle est dans son délire, elle même quand y'a la wifi. Tant qu'on nous voit heureux, ça lui suffit. Elle veut trop qu'on soit sur les réseaux. Je suis pas contre, mais il faut doser. Comprends qu'on peut pas tout exposer sur nous, pour nous. Yeah, yeah. Elle est dans l'insta love. Elle veut que tout le monde sache que je suis son homme. C'est sa façon d'être love de nous. Elle veut Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, la 25e, on est là sur radiosud.net 101.8. Ça fait, j'ai l'impression que ça fait longtemps. En fait, ça fait deux semaines qu'on n'a rien fait. Ça fait 15 ans. 15 ans, on est de retour avec notre ami Jounes, la foire comtoise. 15 ans. Ça va ou quoi, Jounes? Ça va et toi? Bah, tranquille, hein. Je te raconte. Rien, j'ai des allergies. So London? Ah, so yeah. British, I was in London. Ok, ouais. Ok, ouais. Bilingue. Une vache espagnole. Bref, ce soir c'est l'émission spéciale Sans Froid. Sans Froid, comment ça va? Ça va et vous les gars? Bah ouais, on est là. Hein. T'es venu, j'ai vu, t'es venu avec KB. Toujours. Eh oui. Eh oui. Toujours accompagné. Luneté, costarisé. Parfait. Comme d'hab. Il est en pyjama là. Et puis derrière il y a Feuf. Et l'animal. Bon, l'animal que vous connaissez tous. Hein, Mike ajoutez 25. Mike 25 000. Mike avec 3 E. C'est la mascotte non? Vous connaissez, vous connaissez. Donc pour les auditeurs qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas trop le principe de l'émission, depuis février on est là, tous les jeudis on invite un mec en première heure, on fait un peu la rétrospective, l'historique, on discute, on papote, on diffuse les sons, tout ça. Voilà, merci, c'était génial ça. Et puis on termine par un petit freestyle. Et en deuxième heure, exceptionnellement aujourd'hui, on a mis un open mic. Donc ceux qui veulent passer à partir de 23, vous pouvez venir. Merci gros, on sera là. Donc ce que je te propose sans froid avant de commencer, ouais. Nous on a un petit rituel dans l'émission pour tous nos invités, c'est de faire le jingle en fait. Je t'explique, on a enregistré un petit jingle avec Jounes en tac-tac. Donc on l'a mis au début, il va te le remettre. Ouais. Dès que le jingle est terminé, tu nous fais un petit. En fait, tu nous fais un petit big up en a cappella, tu vois. Après, on se servira de, ah, okay. de tes voix, tu vois. Jounes, t'es prêt? Ouais, vite fait. Hein. T'as ouais. vu, je peux lancer ça comme ça. Caliente. Vas-y. Ouais, si. Ah, ce soir, c'est caliente. Espagnol, vie. Vas-y, je balance ça. Radio La 25ème, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. T'es bien sur Radio Sud, Ray. Aïe. T'aurais pu dire ton blaze, hein. Ah, mais c'est universel comme ça, tu peux le mettre tout le temps. si, ok. Pourquoi j'ai pas de micro là? Si, okay, on t'entend. Excusez-moi. Boucher. Ouais, c'est bon. Merci pour le petit big up. Alors, sans froid. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Ah, sur les réseaux, sur Facebook, 100FROA pour la page officielle. Sur Snapchat, Amomarc, AMOMARC, et sur Instagram, sans froid, tout simplement. Ok. 100FROA, voilà. Ok. Donc là, si t'as des ajouts, tout ça, tu sauras qu'il y a peut-être des gens qui t'écoutent sur Radio Sud. Ah non, oui. Il devrait y avoir un petit peu de monde. Donc dédicace à tous ceux qui m'ont dit qu'ils écouteraient. On va faire des tests. Hein. Je vais leur demander. Yes. N'hésitez pas à lui envoyer des snaps, à lui envoyer des petits messages sur Insta si vous écoutez tout ça, il n'y a pas de souci. Nous aussi, on reçoit aussi des fois pendant l'émission. Il se peut. Des fois, on reçoit des appels. On m'a expliqué il n'y a pas longtemps comment il fallait faire pour prendre un appel, mais je t'avoue que. Ah, en direct? Ouais. Ah, ouais, c'est ouais. bien ça. Bon, mais on pour a eu Tony Marcello la dernière fois. Ouais, on a eu Tony Marcello, le co-détenu de Tarco, du coup. Ah ouais? Ouais, c'est un personnage. Non, et puis on m'a montré la manip, mais je ne l'ai pas encore faite, donc je ne sais pas. Bien beau gosse. On verra. Bien beau gosse. C'est beau gosse. Mais là, aujourd'hui, on reçoit sans froid. Mais sans froid, c'est un ancien. Là, on reçoit une relique, vraiment. Non, mais on reçoit une relique de Besançon, il faut se le dire. Parce que moi, quand j'ai commencé à regarder un peu le hip-hop à Besançon, tu étais déjà là. Ouais, c'est vrai. Avec ta petite crête. Ouais, il fallait. Ouais, à l'époque, hein. Ça sort le dossier. Ça commence. Non, mais, ça commence. Cool. Non, mais cool. Non, on m'a annoncé la couleur, t'inquiète. Mais non, cool. Du coup, il a réécouté tous les podcasts. Il s'est mis à la page. Non, cool. Je suis armé. Non, mais voilà, faut quand même dire que le boug est là depuis. Ouais. Il rappe pas depuis hier. Ouais, on va dire que la coupe de cheveux a suivi les tendances, ouais, c'est vrai. Non, mais après, je suis pas coiffeur, on va laisser ça à Barber One. Si. Ouais, ça fait longtemps, ça fait. Ouais, j'ai jamais compté les années, mais ouais. J'avais. Les premiers écrits, c'était quand j'étais en seconde, donc ça date, hein, parce que j'ai plus de 30 ans, moi. Oh putain. Ouais. Vache. Et après, vraiment, on va dire, dedans, avec les années quand j'ai commencé avec Kebi, c'était. À l'époque de la fac. Ouais, à la fac, ouais. Donc, ouais. Il y a bien 20, 22. Une bonne dizaine d'années, 12, 13 ans même. Ouais. Yes, ok. Quand même. Et ben moi, ce que je propose. C'est de te présenter en musique. Donc, le premier son que je voulais passer, c'était Sommeil. Ok, nickel. C'est le premier son, mais c'est un des plus récents. C'est le dernier en date avec BLM. Yes. Dernier clippé en date, c'est pour un projet qui arrive. On en parlera. Ok. Ouais. Donc, c'est sans froid dans l'émission, la 25e, 22h minuit. Le son, c'est Sommeil. C'est parti, puis après, on enchaîne. Aïe. Yes. Je suis en manque de sommeil. Tous les matins c'est la même. Je suis en manque de sommeil. Tous les matins c'est la même. Je suis en manque de sommeil, je pense trop ralix, débridé comme le KX. Je tourne des clés partout, on sait plus d'où je viens. La drogue tourne, la retourne, c'est bien. J'ai plus le time pour tes histoires. Je showcase bientôt tous les soirs. Tu m'accueilles, je t'accueille normal. Sans froid dans ton club normal. Survêt croco pour les croquer. Minimum et rescate pour se pavaner. Je suis moi-même avec toutes mes lacunes. Sans aucune, après tire aucune. Adepte du bitume et des grosses voitures. Mon projet, investir dans la toiture. Toujours dans les boîtes, c'est immature. L'avantage sur iPhone, y'a pas de rature. Croche ton fer, y'a pas de bavure. Cagoulé, ganté, évidence, bien sûr. J'suis en manque de sommeil. Ouais, ouais, tous les matins, c'est la même. J'suis en manque de sommeil. Ouais. Le matin c'est la même. En manque de sommeil, en manque de sommeil, en manque de sommeil, hey. En manque de sommeil, en manque de sommeil, en manque de sommeil, hey, hey. J'suis en manque de sommeil, j'suis en manque. Tous les matins c'est la même. À côté du bloc, certains se lèvent, d'autres se couchent, toc toc. La fatigue se lit sur nos visages. Depuis la fenêtre, de paysage, vu le bac sur son épaule. Pour perdre du poids, j'arrête l'alcool. Bouteille vide et languisse de gourde d'époque, triste mood, mais on s'adapte. On fait avec. Dans les corvas, y'a 100 fois qui tourne, tourne. Des 2B dans les boîtes à gants, si jamais t'ouvres, t'ouvres, t'ouvres. T'as vu de côté pour le T-Max ou la location. Au printemps, connais la destination. J'suis en manque de sommeil. Ouais, ouais. Tous les matins c'est la même. J'suis en manque de sommeil. Tous les matins c'est la même. En manque de sommeil, en manque de sommeil, en manque de sommeil, hey. En manque de sommeil, en manque de sommeil, en manque de sommeil, hey, hey. J'suis en manque. J'suis en manque de sommeil, faudrait se reposer. Mais pour faire l'oseille, faut bien l'assumer. J'suis en manque de sommeil, faudrait se reposer. J'suis en manque de sommeil, mais tous les matins c'est la même. J'suis en manque de sommeil, tous les matins c'est la même. En manque de sommeil, en manque de sommeil, en manque de sommeil, hey. En manque de sommeil, en manque de sommeil, en manque de sommeil, hey, hey. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. Jounes, 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. Yeah, la 25e, c'était Sommeil de Sang-Froid. Qu'est-ce que tu peux nous dire du son? Où est-ce que t'as posé? Ce son-là, je l'ai posé chez un gars qu'on appelle Nino. Et c'était le premier son que j'ai fait, que j'ai refait après le projet D2B. C'est-à-dire okay. que je suis arrivé, tu sais, j'ai toujours 2-3 sons qui tournent un petit peu dans les boîtes locales et tout, là où je me déplace. Puis j'ai dit on va sortir un son qui tourne direct, toi. Et j'ai cette prod qui traînait depuis un moment et j'ai dit je vais aller sur ce délire là. D'ailleurs on peut retrouver le clip sur YouTube. Pas mal de monde dedans que vous pourrez reconnaître, hein. Des gens qui sont déjà passés ici. Yes. Et voilà. L'histoire c'est juste un son. T'écris ça quand t'es KO un matin, tu vois. Tu dis on va tourner ça. C'est en mode soirée, c'est celui en mode soirée, ouais. Celui-là. C'est ça. Yes. Ouais, est-ce qu'il a été tourné le jour? Non. Non. Le clip, le clip. Non. Le clip a été tourné le soir. Sûr ? Certain. Ok. Certain. Bien trop tard le soir même. J'ai quelques doutes. Après, tu vois, sur l'histoire du son, j'aurais cru que t'allais nous dire ouais, un jour j'étais fatigué, puis j'ai écrit je suis en manque de sommeil. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça aussi. Ouais, c'est un peu ça, en fait, sans prise de tête, mais j'explique pourquoi. C'est justement à cause des soirées, des trucs comme ça, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est un son qui est ambiance en plus. Ouais, y a pas grande réflexion à avoir dessus. Ouais, c'est juste voilà, tu l'écoutes, tu bouges la tête et voilà. Ok, donc sans froid, la trentaine, ouais. Ça fait un petit moment que tu rappes. Ouais. Ça se compte en quoi, d'après toi 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans 15. 15 ans. Ouais, facile. Ok. Ouais, parce que je fête bientôt les 32 ans. Hein. Ok. Dans 10 jours, les gars, vous avez préparé les cadeaux, j'espère. Ok. Ouais, okay. T'inquiète. Snack food, si tu nous entends, prépare les tacos. C'est notre partenaire. C'est notre partenaire. J'aurais pas dû manger alors. T'inquiète. Et du coup, comment. comment t'as commencé ? Est-ce que c'était ouais. T'es venu comme ça, tout seul dans ton coin ? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont un peu poussé ? Ouais, j'ai commencé à écrire en fait quand j'étais un jeune en sixième avec un pote. Je sais pas, il y en a peut-être qui connaissent. Dédicace à lui, je crois qu'il écoute. Non, c'était Michael Lebdar. C'était un pote. Quand on habitait pas dans le coin, on écrivait, c'est tout. Et lui, il rappait en fait ce que j'écrivais jusqu'au jour où, en seconde. Là, j'ai rencontré Kenro à l'époque. Ou les masques. T'écrivais pour quelqu'un ? T'étais un ghostwriter ? Ouais, non, j'écrivais pour moi, mais lui, il rappait parce que j'avais pas la prétention, tu vois. Et après, Kenro, c'est là qu'on a commencé à enregistrer à l'arrache, toi. À grande voix. Ouais, des années. Et c'était, vous rappelez tous les souvenirs, hein ? Ouais, ah mais on a analysé le truc, hein, t'inquiète, on n'est pas venu les mains dans les poches. Moi j'avais un CD des individus moi à l'époque. Waouh. Ouais. À l'époque, je me rappelle, je sais plus comment je l'ai chopé, mais j'ai été. Ah, on avait sorti un projet, ouais, c'est vrai. C'était ça, il y avait un CD qui tournait à moi. Ah, il y en avait un deuxième qui devait se faire et puis après les choses sont passées, c'est fini, mais. Togone. Sans rire. Voilà. Mais non, ouais, c'était les individus, ouais. Un décor de merde, ça s'appelait. Un décor de merde, ouais. Vas-y. Sûrement, donc moi je vais te dire, j'ai regardé du coup les anciennes vidéos, le son avec Kenro, c'était il y a 11 ans. Ma musique fait rêver. Ah toi donc 15 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Ah c'est vicieux. Hein. Ma musique fait rêver. 11 ans, c'est ça. Et puis je pense que ouais, c'était ton premier clip, donc avant t'avais déjà dû gratter, faire tes trucs de ton côté. Non, on avait enregistré quelques délires, et jusqu'au jour où on nous a proposé de clipper, toi. Mm-mm. Je crois que c'était Pyramar, ouais, en plus. Pyramar. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de clips à cette période-là sur Bezac. Mm-hmm. Et on avait fait ça. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais mm-hmm. On était contents, nous. Yes. 11 ans. Hein. 11 ans. 11 ans, bah ouais, 11 incroyable. Ans sur Dailymotion. Incroyable. Sur Dailymotion et je l'ai retrouvé sur YouTube. Mais il y a une parodie sur YouTube. Ouais. Ouais. C'est quoi ça ? C'est dû à toi ? Aucune idée. J'ai vu ça. Okay. Ouais, j'ai vu il y a longtemps. Hein. Elle y est encore ? Ouais. Ok. Bah, en faisant des recherches, je suis tombé dessus. Non, ouais, à l'époque, il n'y avait pas de YouTube. Hein. On n'allait pas, nous, sur YouTube. Non, c'était Dailymotion. À l'époque, c'était Dailymotion. Pour intégrer sur les blogs, il fallait que ça passe par Dailymotion. Mm-hmm. Comme ça. Exact. Ouais. Petite question sur le blaze. Du coup, sans froid. Pourquoi sans froid ? Pourquoi écrit comme ça ? Est-ce qu'il y a vraie réflexion derrière ? Ou est-ce que c'est ton premier truc qui est sorti et, c'est une faute d'orthographe. Hein. Ouais. Ouais, t'es jeune. Non, c'était le délire, c'était on dit que les latinos le sont chauds, j'ai fait un jeu de mots là-dessus, c'était un délire. OK. Il y avait pas du tout, je te dis, c'est quand on écrivait comme ça, il y avait pas du tout on pensait pas faire des clips un jour. Mm-mm. Et puis la manière de l'écrire, c'était juste pour que ça soit cool. À la base, hein, puis on a gardé. Yes. Ouais. Donc espagnol qui sait parler tout ça. Puedo hablar sin problema. OK. Contigo. Vas-y, ok. Ok, mes filles, con la pelota, mes filles, mes filles. Non, là, il parle d'argentin en plus. Ok. Non, ouais, je peux le parler, ouais. Ok, tu parles. C'est quoi tes. On va dire, c'est tes deux parents qui sont espagnols. Non, le daron, il vient d'Algérie, ma mère, il vient d'Espagne. Ok. Ouais. Okay. Un mélange corse. Un grand mélange. Hein. Un mélange. Ouais. Mais on est français, frère. Mélange explosif. Ouais. Ok, yes. Donc, là, on va parler projet, du coup. Ouais. Parce que j'ai essayé de refaire le tri dans la chronologie. Mais en fait, t'as des mixtapes, t'as des albums. Ouais. T'as des mixtapes et des albums, en fait. Merci, Chao. Non, parce que après, je savais pas si toi, t'avais d'autres classifications, tu vois. Parce qu'après, t'as ouais, c'est ça. Les EP, t'as les machins, non, tu vois. Ouais, mixtape, album. Ouais. Ouais. Mm. Est-ce que là, t'arriverais chronologiquement à me remettre. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, tous les projets que tu as fait. Bah, je t'ai pas appris, il fallait que je révise. Ouais, je pourrais, je pense. On va commencer. Le premier que j'ai sorti, c'était El Amo. Ensuite, j'ai enchaîné avec Délicate Entreprise. Ensuite, il y a eu un petit projet entre les deux qui s'appelait Fresh Boy, je crois. Fresh Boy Volume 1, ouais. Exact. Ensuite, il y a eu D2B. Il y en avait un autre qui est sorti à l'époque aussi, mais c'était un truc que j'avais imprimé 30 exemplaires. Mais okay. Ça, je sais même plus le titre. Ouais. Ok. C'est tout. J'avais une question sur les abréviations aussi. Ouais. Donc c'était GDM. Ouais. Et D2B. Ouais. Donc GDM, pour toi, ça veut dire. Genre de mec. C'est tout. C'est qui me dit ? C'est toi qui me disais ça, non ? Ah, parce que ouais, t'es pas dans l'émission. Excusez-moi. Wow, je suis un fou. Excusez-moi. Merci Théo 2S de la précision. D'ailleurs, on n'a pas précisé qu'il était ouais. présent aussi. Ouais, hein. C'est vrai. Je suis un ouf. Excusez-moi. Mais ouais, c'est genre de mec. Ton détail. Je le dis des fois en fait, okay. À la fin d'un morceau, des trucs comme ça. C'était juste un délire. Hein. Ça, okay. C'était à l'époque de DJ Rimka. Exactement. Ouais. C'était notre DJ délire. Rimka. Ok. Et D2B, c'est quoi? En fait, le premier projet, c'était Délicate Entreprise. Et okay. Le deuxième, D2B, c'était Dépôt de bilan. Ok, d'accord. Yes. Pas fait long feu l'entreprise, hein? Ouais. Trois ans. Des bilans, tout ça. Trois ans. Ok. Moi, je peux te poser une question. Je vais te poser une question sur un question qui s'appelle Marre de courir. Oh. Tu te montres la pochette? Non, enfin, je m'en rappelle, je m'en rappelle. Moi, il y a un truc qui m'a toujours surpris sur ce son. Ouais. Le nombre de vues qu'il a pris en 24 heures. Qu'est-ce qui s'était passé? Je sais pas. Tu sais pas? Là, c'est la grande surprise. Je sais pas, il y a combien? Non, je crois qu'on est. Il était monté à un moment. Là, je crois qu'on est à 16 000. Ouais, celui-là, il est en 24 heures, tu dis? Ouais, parce que je l'avais vu, j'étais parti voir le jour où tu l'as sorti. Ouais, il avait pris de ouf, celui-là. Il avait pris plus de 10 000, je crois. 24 heures après, par là. Je crois qu'il était resté par Belmo, même, celui-là, et tout. C'est dans la FH chez Bloodbass, celui-là, avec Karim et toi. Ouais. Ouais. Donc, moi, ma question, c'est, enfin, je me la suis toujours posée, qu'est-ce qui s'est passé avec ce son? Qu'est-ce qu'il a eu de... Je sais pas, c'est une période où on sortait, c'était la période où j'étais avec Karim, on mélangeait plein de gens. Il y avait toi, il y avait DJ Rimka, enfin, toi, Kebi. Il y avait, c'était la grande période avec Radmo aussi. Il y avait, ouais, on était... Mais je sais pourquoi, parce que tu l'avais relayé sur un site, je sais plus, rap, je sais plus quoi. Ah, peut-être un blog, c'est ça. Un site rap ghetto, rap, je sais plus quoi. Rap ghetto, ouais, je crois. C'est eux qui l'avaient et publié. Et c'est eux qui l'avaient republié, et c'est grâce à ça qu'il avait monté grave. Ouais, mais il a combien de temps son t'as là? Ouais, je peux te retrouver. Parce ça. Que franchement, je reviens vers toi tout de suite. Pas de souci. Mais ouais, c'est. 5 ans. Ok, ouais. Je crois que c'est le son version, on va dire, audio, le plus pris. Mais j'étais pas tout seul dessus, je crois. Non, il y avait Karim. C'était DJ Rimka, ouais, le feat, je crois. Ouais, ouais. Exact. Il avait son petit buzz à un moment, Karim aussi. Hein. Il avait des vues, tu sais, il passait par SoundCloud et tout. Donc, il était dans sa communauté de DJ et tout. Donc voilà. Ok. Il fait quoi, DJ Rimka? Il est toujours actif ou... Grande question. Est-il vivant? Ah, ok. Il a fait une fantomas, quoi. Ouais, magique. Ok. Une idée. Peut-être qu'il va revenir d'un coup, on va voir. Showcase hey. DJ Rimka au QG Club et au Teasing, mais... le même soir. Oh, tu vois, oh. Mais c'est vrai que maintenant qu'on dit ça, il était à un moment, il avait un peu de buzz hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Après, ouais. Il a disparu comme ça, tout seul. Là, je me rappelle, il avait réussi à récupérer les droits et l'autorisation des bandes de Stromae, et je l'avais pas cru, moi, tu vois. Et vraiment, il y avait la conversation, tout. Et le hasard fait que deux mois après, on va à l'époque à la boîte, justement, la 8ème. Il y a Stromae qui est là. Même j'avais fait une photo et tout. Jérimka il se présente, ah c'est toi et tout, ouais on a échangé, c'est bon, y a pas de problème, j'étais sur le cul. Stromae il avait, bah à l'époque Stromae il avait pas le buzz de, mais waouh, sur sa mixtape qu'on avait sorti là, franchement, j'étais étonné. Ouais, il était bien actif. Hein, ouais, c'était un gros squatteur des réseaux. Était fort. Il était en avance sur les réseaux sur nous. C'est comme ça, bah moi, déjà, tu me parles de SoundCloud, tout ça, déjà à l'époque c'était... Je vous coupe, d'après mes informations, BFM TV, il est en Suisse. Il est en Suisse. Merci. C'est vrai qu'il était vers la Suisse, ouais. Il arrive quand il est en Suisse, voilà. On... C'est... Ah si, par c'est contre, j'ai des nouvelles de lui, il s'est marié il y a un an. Ah ok. Par son petit frère Nabil. Ouais. Ok. Yes. Voilà. Bon bah DJ Rimka, si tu nous écoutes, hein, on te fait un petit big up hein, au passage. Grave. Puis merci BFM Portugal. Merci. En dehors du rap. Ouais. Boulot, sport, hobby. Voilà, t'as tout dit. Boulot, sport. Sport, ok. Ouais. Sport, moi je vois sur Snap. Ah, hein, t'es un coach sportif, tu vas me donner son adresse. Bah tu sais quoi, en plus il nous écoute. Je vais faire une grosse dédicace à Vincent. Vincent, ouais, Vince, alors attendez, je prends deux petites secondes juste pour lui citer son Insta si je peux. Vas-y, vas-y. Ajoute-moi sur Insta, moi c'est Loco des Locos. Je cherche un coach sportif là. Ah, tu peux, hein, c'est Vinzerfit. VINZERFIT. Franchement, il est chaud. Vas-y, je vais le check. Vinzerfit, hein. Ouais. Ajouter. Instagram. Instagram. Ok. Et puis donc... voilà, travail dans la vente, tu connais. Mmh. Et sport au max, on essaie. On essaie de se ressaisir parce qu'on avait fait des écarts. Excuse, on a un code promo ou pas? Code promo sans froid, toi. Ouais. Si on ta part. Vas-y, 15% en direct. Alors, attends, je peux placer 2-3 dédicaces? Vas-y. Parce qu'il y a Jalil qui nous écoute, donc grosse dédicace. Oka, le K, il nous écoute. Chloé également. N'hésitez pas à envoyer moi des snaps en direct. Et je vous cite, les gars. Merci à vous, en tout cas. Yes. Avant de passer à un petit jeu, pareil, pour un peu cerner le personnage, je te pose quand même la question pour les séries. Est-ce que tu regardes des séries? Alors ça, c'est à cause de Kevin que je suis dans les séries. Je te jure que j'étais pas série. J'ai commencé à mettre série, c'était à l'époque à How I Met Your Mother. Ah okay. Ouais. Tu m'as mis dedans. Après Breaking Bad. Breaking Bad, ça m'a buté. Ça, c'était sûr, hein. Tu vois. Le clip Labo. Ouais. Ah voilà. Ah, mais ça m'a tué, ça. Ça m'a plombé. Hein. Je voulais tout arrêter. Hein. Et en ce moment, tu suis un peu un bail ou... Ouais, ouais. Là, j'ai fini les 100. Okay. Je suis dans. En ce moment, je suis dans, comment ça s'appelle, Society. Okay. Netflix, hein, beaucoup. Je suis sur Canal aussi, Bureau des Légendes. J'ai tué la nouvelle série aussi, La Mouche. Ah, moi, je suis tout, les séries de Gaulle, les séries de meuf, ça. Ouais, moi, je regarde tout. C'est bizarre. Ouais. Bon, après, c'est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Tu fais ce que tu veux. C'est comme ça qu'on les connaît mieux, gros. Moi, j'écoute bien Justin Bieber, j'écoute. Non, Casa de Papel, classique, qui sort bientôt. Ah, je me tue. Ah, franchement, okay. Je suis chaud maintenant. Sans froid. Petit jeu du texte à trous, c'est très simple. El sangre frío. Ah, j'ai cru que tu disais non, le texte à trous, le sangre frío. Texte à trous, un texte à trous à moi ? Non. Ah. Je commence la phrase. Ça va arriver. Tu vas voir, c'est tout bête. Je commence la phrase, tu finis la phrase. C'est très très simple. Ok ? Ouais, on essaie. Alors, si je devais me définir en un mot, je dirais que je suis. Courageux. Courageux. Sans froid, ça rime avec 1-1-1 et avec 1-1-1. Sans froid, ça rime avec... Croix-croix. Avec tous mes gars. Et... Attends, c'était compliqué. Bon. Sans froid, ça rime avec tous mes gars. Et tu veux une autre rime, en fait, du coup. Ouais. Avec sans froid. Ouais. Après, ça peut rimer sans rimer. Hein. Avec tous mes gars, mais avec tout le monde, mais avec personne également. Ok. Ouais, tout seul aussi. Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est... Moi-même. Mon plus grand regret, c'est... Ah, les erreurs du passé, avec certaines go. Ok. Ce qui m'énerve le plus chez l'homme, c'est... Son égoïsme. Mais je crois plus que tout en... Ou à... Ou... En... Je crois plus dans les animaux, mon pote. Dans les animaux. Ouais. Vas-y. Mes trois expressions préférées. Mes trois expressions préférées. D2B. Ouais. El sangre latino. Ouais. C'est long, hein. Ouais, mais c'est dit. Genre, t'es en clientèle, d'un coup, tu lâches. El sangre latino, ouais. Tu veux. Envoie le. Ok. Je suis là, je le dis souvent, je suis là. Et sinon. Vas-y, t'inquiète. Ouais. Ok. Très bien. Très bien. Hors cadre professionnel, jeunesse. Oui, pas de souci. Yes. Ok, bon, écoute, avant de passer à la suite, je te propose de passer du coup le son BLM. Donc, c'est le dernier que tu as clippé. Ouais. D'ailleurs, je voudrais faire un hommage au clipper. Hein. Yes, c'était gras, ouais. Exactement. À son âme. Clip. Et voilà. J'ai pas eu la chance de le connaître énormément, du coup. On devait travailler. Les choses ont fait comme ça, mais voilà. C'est un honneur aussi d'avoir un de ses derniers travaux. Yes. Voilà. BLM, du coup, je te pose la question aussi, c'est quoi ? BLM, c'est baisse le micro. Ok. Ouais, j'aime bien les abréviations. Yes. Oh, je demande, tu vois, parce que des fois, tu te fais une idée dans ta tête, en fait, c'est pas du tout ça. C'était quoi l'idée pour toi ? J'en avais pas. Hein. Okay. Bon, en vrai, j'en avais pas. Hein. J'allais dire un truc, mais. Vas-y. Non, mais il y a le CSA, tout ça. Je vois que t'es chaud, je sais. Non, je suis cool, là. Là, je suis cool. Allez, dis-nous. Oh, non. Okay. CSA, tout ça. Bois. R. Je le dis dans le morceau à la fin. Ah, voilà, j'ai eu un truc. Bref, le morceau, c'est Sans Froid, BLM, dans la 25e. Aïe. On va arrêter les abréviations, on va passer au son, c'est parti. Mais t'as pris mon Perrier, enfoiré. Perdu entre délits de fuite et délits de faciès. Couché tardivement, 15h c'est la sieste. J'ai l'impression que les portes sont fermées. Je suis dans un cauchemar réveillé. J'ai pas les clés du succès, mais c'est de la monnaie. L'acharnement et l'assiduité. Pose des proses qui métamorphosent et qui osent dire que mes choses sont fausses. Y'a pas de débat, juste sous ces draps, quelques ébats, pas de cris. Juste des gens tristes qu'on n'entend pas. Tu viens d'en bas, nous des sous-sols. M'abîme la voix sur des clés de sol. J'dépense du temps à raconter ma vie au lieu de la vivre. Maintenant, ici, j'aime le sport et j'aime cette bouteille. Le goût de l'effort, le charbon m'éveille. J'ai vu une daronne interdite bancaire. J'connais le PCTA, c'est l'euro, sa mère. Génération 8-7 qui grandit avec la 8-6. Sur des 16 qui viennent du 9-3, si. Cheveux blancs, j'm'en fais. Il est temps de ne plus compter ni sur les autres ni la monnaie. À nos âges, sommes-nous sérieux? Vivement la retraite si j'arrive à vivre vieux. Souhaite-moi lever, lever santé. Le reste, je les sens les envier. J'arrête Garo pour cardio. La bouteille se vide et les idées se remplissent. À chaque souci, nouvelle ride. J'suis rodé, 45 balais, j'suis défiguré. J'me bute au son, c'est addictif. On finira avec des problèmes auditifs. Ils sont dans leur délire fictif. J'suis dans la réalité du taf et du bif. J'veux mettre la femme à l'abri, la daronne, la famille et tout ce qui s'ensuit. J'veux que le lieu de vacances devienne résidence. J'aime mon bled, j'aime la France ou Rapta. J'aime entendre mon son dans la boîte. J'oublie les paroles, mais j'm'adapte. J'oublie les paroles mais j'm'adapte. J'oublie les paroles mais j'm'adapte. J'pose ma voix, oui j'aime ça. J'pose mon rap, souvent trop rabat. J'ai du son me comprend, l'auditeur je surprends. J'm'enferme au studio, chante pas, on baisse le micro. J'pose ma voix, oui j'aime ça. J'pose mon rap, souvent trop rabat. J'ai du son me comprend, l'auditeur je surprends. J'm'enferme au studio, chante pas, on baisse le micro. Baisse le micro. 1-0-0 F-R-O AGA 100% tu sabes ya. Le projet là, big up au roi, champ, ballon de Saint-Claudia R. Dab, y'a R, y'a Na, R, y'a Na. Radio Sud, la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis, ciao, Jounes, 22h minuit, radio-sud.net, 101.8. La 25ème. Si, si, si, podemos seguir en espagnol. Comment on dit la 25e en espagnol? La 25e. 25. Oui, podemos hablar en español hoy. Porque yo soy un alumno del colegio. Sí, con mi amigo sans froid, sangre frío. Ah, pas mal, hein? Il est pas mal, il est pas mal. Ah, ok, il est sur YouTube, Google Traduction, là. Ça se peut, hein? Non, lui, c'est un escroc, ce mec. C'est un escroc. Non, j'ai parlé espagnol, si on se concentre un peu. T'as appris au collège, tout ça. Pour les auditeurs, on est bien sur Radio Sud, on est bien à Besançon. Commencez pas à regarder votre truc FM, tout ça, là, tout déglingué. Poquito. La 25e émission spéciale sans froid ce soir. Du coup, on a écouté le son BLM. Yeah. Baisse le mic, baisse le micro. C'est ça. Moi, je voulais un peu faire des réponses tac au tac. Parler un peu de tes influences, ton point de vue, des anecdotes, plein de choses comme ça. Donc là, si tu as 3 artistes références qui te viennent en tête. Maintenant suite, ouais, comme ça, là, boum. En tête tout de suite, ça serait. Pas dans une demi-heure, frère. Non. Là, aujourd'hui, je me bute à PNL. J'aime beaucoup PNL. J'écoute Booba, classique pour moi. Et on va donner aussi Lacrim. J'écoute beaucoup Lacrim aussi. Ok. Donc PNL, Booba, Lacrim. Bien sûr, ma rhum. Bien sûr. À un moment, je te voyais beaucoup partager ce que faisait la MZ. C'était quoi la connexion? Ah putain, je les ai même pas cités. Ah, la MZ, je suis vraiment très proche d'eux. Enfin, maintenant, plus de Joker, les autres, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais c'est Joker et Davidson, c'est mes gros gars. Comment cette connexion? En fait, le label que j'étais, donc Don't Stop Music, qui se trouve à Nîmes, ils m'ont placé sur une compile qui s'appelait Sans Bombe Rap. Et j'étais un son ou deux avant la MZ, et de là, ils m'ont contacté via Insta. Mmh. Je sais pas ce qui s'est passé, ils ont cru que c'est moi qui avais créé cette compile, en fait. Okay. Et de là, j'ai dit non, et tout, je suis dessus aussi, moi, c'est mon blast, c'est sans froid et tout. De là, en fait, on a continué à parler. Ils ont tapé justement une radio Skyrock. Ils plaçaient des dédicaces à Skyrock et tout. J'étais fin fou, toi. Okay. Et après, invitation à écouter l'album. J'étais dans le sud, ils m'ont invité au showcase, ils m'ont invité partout. Et voilà. Puis quand ils passent à Bezac, ils s'arrêtent me voir et tout. Okay. C'est fait comme ça. Ok. Donc en fait, en plus, c'est parti d'un malentendu. Un malentendu. Puis, ok. Ouais, ben moi, en fait, moi, j'avais connaissance de qui ils étaient. J'écoutais, je me butais à leur son, toi. Et en fait, de là, ils ont contacté, pensant, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Ils ont dit, ouais, merci de nous avoir mis sur la compile. Rien. Je te jure. Et c'était Demo, justement, de la MZ qui m'avait contacté. J'ai dit, ah, malentendu, je suis dessus aussi en fait. Il fait, ah, ok, on a pas trop capté et tout, bah, pas de soucis, merci. Puis voilà. Puis ça fait des années maintenant. Ok. Et je te coupe encore. Hein. Et du coup, c'est quoi, parce que on en parle pas, ta signature en label, t'es signé en tant que quoi? Juste un label de distribution. Distribution. Ouais, ouais. Il n'y a pas de. Distribué en national. Ouais. Okay. C'est ça. Sango Fuerte. Bah, c'était ça que tu voulais dire, non? C'était quoi? Santo Frio. Ah, Santo Frio. Sangre Frio. Sangre Frio. Je parle polonais. Et du coup, ça fait quoi ça? Alors moi, j'étais chez. En termes de vente, ouais. T'as quelques chiffres quand même? Ouais, sur Délicate Entreprise, dans les bacs, j'en avais liquidé. Dans tous les bacs français, il y en avait quoi? Il y en avait 600, 800 qui étaient partis sur les chiffres. Et après, il y a le main à la main. J'en ai vendu beaucoup en main à main, celui-ci. J'ai dû en vendre plus de 1000. C'est pas énorme, hein, ça fait moins de 3000 ventes, mais tu vois, ça permettait de. Ouais, encore 47 000, tu fais un disque d'or. Hein. Ouais. j'aurais bien aimé. Et là, c'était quand j'étais chez Don't Stop. Donc, c'était Musiccast qui me distribuait. Et depuis D2B le dernier, j'étais chez Addictive Music. Okay. Pour la distribuer. En termes de vente, dans les bacs, c'était beaucoup, beaucoup moins. Ça a été vachement du. Sur le stream, tu vois. Et dans les bacs, j'ai dû en vendre 200, 300, pas plus. On n'est pas là pour mentir. Après, c'est beaucoup de streams. Il y a des sons. Un des sons avec Kebi, par exemple, Birthday, il a été écouté 70 000 fois, je crois. Clippé à. Au... Putain, comment ça s'appelle? À la cale, ouais. Mmh. Okay. Pour dire, l'album est dispo sur les plateformes. Et je te coupe encore. J'ai pas commencé, mais. Parlons pas, argent. Ouais, j'ai envie de couper des choses, là. Parlons argent, tout ça, ça rapporte quand même. Ouais, ça. T'as eu quand même eu un petit. Beaucoup plus sur Délicate Entreprise. Okay. Si on parle argent, moi je parle, il n'y a pas de tabou. Ma première Audi, je l'ai acheté avec l'album. Okay. Voilà, la bleue, tu te rappelles. Là, celui-ci, c'est, on va dire, tous les 3 mois, tu as un relevé en fait, qui t'a envoyé. Et toi, tu fais t'édites ta facture. Ça t'amène un petit complément. T'en vis pas. Ouais. Ok. Travaille. Et est-ce que t'écoutes. Donc, moi, je switch direct. Hein. Est-ce que t'écoutes que du rap? Non, moins en moins. Ok. De moins en moins. Déjà, pour moi, quand tu te butes à PNL, gros, t'es plus vraiment dans le rap, toi. Mais j'écoute beaucoup justement de. Là, les beaux jours arrivent, reggaeton, classique. Mais j'écoute beaucoup de reggae, moi. Ok. J'aime beaucoup le reggae. T'as pas la gueule, hein. Ah non, frère, y'a pas de gueule pour ça. C'est vrai. Non, mais je kiffe ça. Ouais. T'es un mec qui fait d'un. Tu sais, on sait jamais, hein. T'es un mec qui fait d'un instrument de musique ou. Moi, je fais de la flûte. Du saxo. Gamin. Non mais tu vois, je sais pas, tu vois, des fois on reçoit des mecs qui me disent ouais, moi je fais de la guitare, tout ça, mais non, okay. Rien du tout. Vas-y. Quand tu t'es lancé dans le rap, est-ce que t'étais dans un délire où t'avais des objectifs à atteindre? Est-ce que tu t'es déjà fixé des objectifs en tant que rappeur ou pas? Ouais. Est-ce que tu les as atteints? Est-ce que ouais. Bah, moi mes objectifs déjà. La première étape, c'était tu trouves un studio, tu sors un bon son, tu vois. Et après, on a sorti l'album. Et sur ce projet-là, à l'époque, j'avais réussi à ramener moi les artistes que j'écoutais sur Délicate Entreprise. J'étais fier de fou. Après, pour le reste, maintenant, il n'y a plus d'objectif. Hein. Okay. La vraie vie a pris le dessus. Hein. Eh ben, justement, j'avais une question par rapport au featuring. Donc, sur Délicate Entreprise, premier album, t'as ramené quand même des bonnes têtes. Ouais. McGregor de Tandem, Zesso de Dissident, pour ne citer que, je crois qu'il y a MAS, il y a Papillon Bandana. Ouais, c'est un classique, ça. C'est ma grande sœur qui écoutait ces sons-là. Tu rappes, tu dis à ta sœur, regarde et qui j'ai chanté. Bah ouais. Moi, la question que je me posais, c'est comment t'as fait pour les ramener? Est-ce que c'est du feeling? Non, c'était. J'ai contacté. J'ai pris mes couilles, j'ai contacté. Sur les gens que j'ai ramenés. Et beaucoup de non-réponses et beaucoup de réponses négatives. Okay. T'as des mecs qui demandaient des billets. Okay. Et gros, toi, à l'époque, j'étais à la fac. Ok, je paye ton stud si tu veux, si tu peux pas te déplacer, parce que c'est normal. Le gars, il va les poser pour toi. Ça, je pouvais le faire. Mais après, la grosse connexion feeling, ça a été MAS, justement. Okay. Et Zino, la Suija à l'époque. La Suija. Ah ouais, lui, il est venu chez moi. Petite anecdote, parce que tu voulais des anecdotes. Lui, il y avait à l'époque, la chicha qui était rue d'Arène, là, justement. T'avais, la Suija qui était venue faire un showcase. Je sais pas si tu te rappelles sa date. Au D1. Et Zino, je l'avais contacté et tout. On avait un gros feeling via BBM à l'époque des Blackberry. Et pour anecdote, c'était donc Diego, le manager de Sopra, qui l'avait posé en bas de chez moi hors champ. Il était venu chez moi poser dans ma chambre. Ma mère, elle a cru que c'était un sable, un pote, toi. Elle avait préparé, tu sais, des repas et des gâteaux. Alors qu'à l'époque, il avait un gros buzz, toi. Il avait amené les petits gâteaux, tout, c'est pour toi et ton pote et tout, machin. Le gars, il était. Normal. Il a kiffé, toi. Et toujours en contact. Parce qu'aujourd'hui, il fait partie, tu sais, du management de tout ce qui est Alonso, Naps, des trucs comme ça. Et du coup, quand il se déplace, j'arrive à l'attraper vite fait quand je vais dans le sud. Mais c'est tout. Voilà. Mais t'es un grand place, toi. Tu vas nous faire rentrer sans froid, hein. Frère, j'ai déjà, laisse-moi rentrer, moi. Je suis nulle part. Viens, on rentre tous ensemble. Vas-y. Et du coup, tu vois, au fur et à mesure, je regardais chronologiquement et je disais, en fait, depuis, t'as plus forcément de featuring avec, on va dire, des têtes d'affiche. Oh, il y a eu Shao. Ah putain, tu me l'as enlevé, j'allais le dire. Il y a eu Chao, faut que ça grande tête d'affiche. Hein. Grosse tête. Non, mais je veux dire, tu vois, avec des artistes nationalement reconnus déjà. Nationalement reconnus. Mm-hmm. Nationaux. Non, mais t'as des bugs. À échelle nationale. Excuse-moi. Non, mais je réfléchis ça en même temps. Il n'y en a pas eu parce que, en fait, je me suis rendu compte que ça t'apporte pas grand chose. Hein. Mm-hmm. Si, ils viennent te demander, ouais, t'as eu lui, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as payé, t'as fait. Ouais, c'est de la curiosité. Mais sinon, ça m'a. Eux, ils ont pas partagé leur côté. C'est okay. Le jour où c'est qu'eux vont mettre la main à la pâte, dire tiens, vas-y, j'ai rappé avec un petit live. Écoute, ça bouge, mais là, en fait, c'est toujours toi, t'as juste des noms. Okay. Donc, j'ai préféré, voilà, Kebi, Chao. Je préfère ouais, rester. C'était par choix, quoi, en fait. Ouais. Ok. Bah, sinon, ouais. Si je pouvais, toi, si je force un peu avec des gars comme la MZ et tout, enfin, pas la MZ, Joker, il y aurait moi, mais je vois pas ce que ça m'apporterait si derrière, eux, ils partagent pas, tu vois. C'est tout. J'ai eu des U-dire, des U-dire. Qu'est-ce que je raconte? Il y a peut-être Lio dans les tuyaux. Lio? Je sais pas, je lance des pierres dans le canon. Les légendes urbaines. Sur un son? Je sais pas, ouais. Moi je dis ça comme ça. Ah, j'ai un projet de son avec Lio et Chao justement. Ah, donc c'est peut-être ton moment, fais ta demande. Chao, qu'est-ce que t'en penses? Moi là je suis animateur radio, hein. Fais pas chier. Non mais je suis son manager. J'attends les instruments encore. Je suis son manager, on prend un bif nous. C'est vrai, bah, vois ça avec Kebi. Tu vois pas là comment il est sapé. Attention. T'as pas capté encore. Mais au passage, pourquoi t'es habillé comme ça? Je sors du taf. Il est en pyjama. Tu sors du taf à 22h? Non, à 20h. Ah, ok. Donc t'as pas eu le temps Attention, peut-être qu'il y a madame qui écoute, là t'es en train de... tu sors du taf à quelle heure, tout ça, Il va me griller. Il y avait beaucoup de bouchons. Ouais. Non, il y a R. C'est pas nous, on n'est pas là. Non, mais ouais, après, il n'y a rien qui est fait, ouais, justement. Il faut qu'on voit qu'on se mette en accord sur les pros et quand tu travailles... avec un gars comme Lio et Chao, vas-y trouver mon pote. La bonne prod. Voilà. Donc, à voir. Ouais. Ah, faut que ça bouge, les gars. Faut que ça bouge. D'ailleurs, on va le passer après. Ouais. Faut que ça bouge. Allez, petite anecdote, du coup. Forcément, je vais te reparler du clip Ma musique fait rêver. Ma musique fait rêver. Vous l'aimez bien, celui-là. Vous savez que j'ai. Quand tu nous écoutes, t'es truc à l'avenir aussi. Méditerranée. Ouais, si, il dit ça. Il dit ça. Donc, c'était il y a 11 ans avec Kinrou, donc les individus à l'époque. Wow. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots comment vous avez fait le son et le clip? ça t'intéresse vraiment? Ouais, c'est les anecdotes, tu vois. Et comment t'as mis le gel dans tes cheveux pour faire la crête? Ah, ça, c'est un travail, tu sais, des années. Est-ce que t'y arrives, toi? Non, le son, c'était quoi? C'était un ordinateur qui traînait chez moi, qui était à ma sœur, en fait, pour anecdote. Un tout petit micro tout pété là, tu sais, les trucs que tu utilisais pour MSN et Messenger, ouais. Audacity. Non, même pas nous, mais c'était Magic Studios. Pas là là. On n'avait pas ça à nous. Nous déjà, on avait un degré, t'as vu. Et voilà, c'est moi qui enregistrais, qui mixais, c'était vite fait. Hein. Et puis le clip, ben, je sais plus comment j'avais rencontré Pierre Amar, là, bonne question, et il est venu avec une petite caméra, ouais, ça, ancienne. Une petite caméra grise, je me rappelle de ça. Ouais, il avait du mal à avoir de la batterie même avec. Et voilà, en bas de chez moi. C'est parti. Avec des gros tags, on a vu dans les clips des gros tags. Vous êtes devant les tags de Kinrou et sans froid. C'est vieux, hein. Attends, c'est vrai. Écrit en plus, au stylo. Sur ma tête, je vais taper Jounes sur YouTube. Je vais vous mettre une story de toutes ces ganaches à lui aussi. Hein. Sans froid, là je suis cool avec toi. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu vois, moi quand je suis retombé sur le truc. En fait, je suis revenu 11 ans en arrière, tu vois. Bah oui, je suis revenu 11 ans en arrière quand j'étais tombé devant le clip, tu vois. Et je disais, mais c'est qui et tout? Mais c'est où, machin, tu vois. Je cherchais, mais c'est qui fait le clip et tout? Parce que comme tu disais, à l'époque, il n'y avait pas de clip, il n'y avait pas forcément de mecs qui faisaient ça aussi ici, tu vois. Ouais. Donc mais je me souviens quand je suis tombé sur le truc. Mais je crois que ton clip 25 000 km/h, il est sorti pas loin après du sien. Mais il est sorti après le tien. Ouais, il est sorti d'abord. Lui, après toi, t'es sorti. Ouais, c'est dans l'année. Dans la même année. Ouais, possible. Pour te dire, ouais, c'était ouf. Mais tu vois, l'étape de déjà te poser, de faire écouter à quelqu'un et de sortir un clip, mettre ta tête et dire, viens, on met sur Dailymotion. Mm-hmm. Puis tu vois, 2-3 semaines après, t'as 600-700 vues. Tu dis, oh, c'est tant qu'il me regarde, toi. Ah, ça a provoqué des trucs. À l'époque, de fou. 700 vues, c'était quand même. C'était ouf. C'était bien, non? Content. C'était bien, ouais, même à l'époque des Skyblock, quand on mettait nos sons, tu montais à des 10-14 000 vues sur un Skyblock. Ouais, t'es bien. C'est vrai. Je te rejoins là-dessus. Je te rejoins. C'est vrai. Exact. Sur ton clip Birthday avec KB. Ouais. Yeah. qui date de août 2017. Waouh, wow, déjà ouais. Ah mon gars, le temps passe vite. 2 ans ouais. Donc, bientôt. Il y a une certaine Sarah Martin Zil, je sais pas quoi. Il y a un an qui t'a mis découvert sur This Is Riviera, c'est du bon son. Ah ouais, ok, bah c'est quoi c'est, dans... c'est quoi This Is Riviera c'est Riviera. Merci. Génial. C'est un journal internet, un web journal en fait de la côte justement, Nice, Nîmes, toute la French Riviera, la côte d'Azur. Et ils m'avaient contacté, s'ils pouvaient faire un article et tout sur ce clip qui leur avait plu. Et franchement, j'ai dit oui. Ils m'avaient envoyé des questions, ils m'avaient appelé, ils m'ont dit écoute, on va te faire un gros mail avec plein de questions, questions-réponses. Et du coup, il y avait un article sur This Is Riviera. Ah, j'avais oublié ça. Ouais, c'est moi aussi, tu viens de me le rappeler, mais je sais, j'avais jamais vu ce comme. C'est sur quoi, sur YouTube, les commentaires? Ouais. Okay. Ouais, ouais. Bah, tu ne dis pas les coms? Si, ça arrive, si. Parce que. Oui. À un moment, bon, on va le dire. À un moment, quand t'avais sorti l'album, là, en 2017, été 2017, c'était. Délicate entreprise. Tu demandais des avis sur Facebook. Ah, toi, bon, tu m'avais laissé attends, ton avis, toi. Attends, bah ouais, tu demandais. Ah, tu ouais. Demandais non, bah, on est là, regarde, on est là, il y a R, on s'est recroisé depuis, il n'y a rien. Je t'avais laissé mon avis. Parce que bon, je l'ai écouté. Non, mais je m'en rappelle très bien, je peux même te dire ce que j'ai répondu. Bah ouais, bon, pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi t'as supprimé mon truc alors que j'avais juste donné. Ah non, non, tu m'avais pas mis un commentaire, toi, tu m'avais écrit non, en non, direct. Non, hein. J'avais mis en commentaire aussi. Ah, peut-être. Tu m'avais vraiment agacé alors. Ah. Tu demandes l'avis. Alors, les commentaires, tu m'avais mis sur YouTube? Non, non, c'est sur Facebook. Ah oui, parce que Facebook, je lis les commentaires, si. T'avais lu, t'as supprimé, tu m'as répondu. Je t'ai répondu. On est venu en DM après. Ouais. On avait discuté, tatata. Octogone. Ça veut dire que, en fait, donc du coup, tu demandes ton avis, mais non. On peut pas le donner finalement. Non, non, c'était. Moi, j'avais pris ça comme une attaque. Parce que toi, j'avais pas de nouvelles de toi depuis 4 ans. Il arrive, il me dit papa, ça c'est pas bien, ça c'est nul. Ça. Bonjour. Mais en plus, je crois que c'était le premier commentaire. Il allait lancer un truc, toi. Juste pour intervenir en plein milieu, il fait ça avec tout le monde. Il y a aucun problème. Nous, il fait ça et sans parler du rap. Hein, tu sais, là, il disparaît. Là, bon, tu veux que je te dise ce que j'ai répondu? Il disparaît, mon gars. Moi, j'ai répondu quoi? Je lui ai dit. Et toi, t'en es où, toi, dans le rap? Bah ouais, bah. Voilà ce que j'ai répondu. Je me rappelle. Bien sûr. Bah alors que il m'a dit, je rappe depuis 4 ans, je fais alors. Bah oui, bah non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je rappe pas que je peux pas parler, donner mon avis. Après j'ai fait le mec, j'ai dit, c'est pas constructif ce que tu me dis. Alors que si, j'aurais pu être beaucoup plus. Ah ouais, alors c'était là, quoi non. C'était quoi ton analyse? C'était quoi? C'était sur un son, c'était quoi? Non, c'était sur l'album entier. On avait écouté. Toi, t'avais un extrait chez toi? Ouais. Non, un extrait, t'avais l'album physique. Moi, j'avais le CD, ouais. Je t'avais pris le CD, je l'avais écouté dans la voiture. Oui, exact. Après, t'aurais pu me l'acheter, quoi. Exact. C'est vrai. Je te l'offrirai le prochain. Ouais, je t'ai offert des écoutes sur Deezer. C'est bon, ça paye. Tu viens de me dire que tu as pris son CD. Non, j'ai pris son CD pour écouter dans la voiture. Après, quand je suis allé au bled, j'étais loin, tout ça. Bon, je l'ai écouté 3-4 fois avant de laisser mon avis. Tu vois, c'est ça le bail. Je suis pas non plus un connard, c'est de la merde. Un peu. Non. Dedans, voilà, donc c'est tout. Il y a R. Ok. Pop. Allez, si je devais te ranger dans une case musicale. Franchement, dans une case. Non, j'ai pas sorti une case et je te range dedans. Ouais, hein. Franchement, il n'y a pas de case, gros. T'as vu ce que je fais? Je peux rapper, je peux faire du reggaeton, je peux chanter, je peux faire des trucs que personne ne comprend. Mm-hmm. Même moi, des fois, j'y réécoute, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais est-ce que toi, t'as peut-être un délire que tu t'affectionnes plus qu'un autre? En style, tu veux dire? Ouais. Franchement, j'aime bien kicker sur des instruments à l'ancienne, mais c'est pas du tout ce que je fais. Okay. T'es du lazy un peu ces derniers temps. Un peu. Ouais, j'ai fait 2-3 sons un petit peu. Ouais. Un petit, j'aime bien en fait. Voilà, maintenant je suis dans un délire. Avant, c'était j'essayais de trouver des bons textes tout. Maintenant, je vais comme ça. Ouais, non, je te le dis honnêtement. Mais tu sais que... Je veux juste que ça bouge. Après, je fais le son, je suis hors de studio, je dis ça peut passer en boîte. Voilà, mais tu sais que moi, en prenant du recul sur ce que tu faisais, tu vois, je me suis dit que ça collait beaucoup, beaucoup mieux avec toi en fait. Parce que tu me connais. Voilà, parce que je te vois en dehors de YouTube, de machin, tout ça. Je sais que showbiz. L'appel de la night, tu vois, l'appel showbiz. De la night. Ouais. Et je pense que les sons un peu comme Latino, Sommeil, Latino, on le passe aussi après. Après, c'est mon avis. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Avant, je l'aurais pas admis. Aujourd'hui, c'est clair et net, c'est comme ça. D'ailleurs, on en parlait avec Kebi il y a pas longtemps. Et il m'a mis un peu dedans, le dessin un peu plus, tu vois, un peu plus cool et tout, sans se prendre la tête. Tout en passant, toi, je vais pas chercher dans un texte entier de passer un message. Je vais chercher une phrase, deux phrases. Mais voilà, sinon, ouais, t'as tout dit. C'est Latino qui a lancé le truc. Moi, je t'en veux pour Latino. Pourquoi ? Parce que t'as tourné où le clip ? Dans le Calvados ou quoi ? J'ai tourné. Y a pas un brin de soleil dans ton clip. Ouais. C'est, bah, c'est le côté sombre. C'est le côté sans froid. C'est il a dit qu'il était préparé, gros. Non, tu l'as tourné où ce clip ? À Nîmes et à Bézac. Ouais, et à. Palavas. Il n'y a pas un brin de soleil alors que le. Je sais que j'ai des compétences, mais de là à choisir la météo, frérot. Tu décales. Je pouvais pas au décale. D'ailleurs, on l'a dit au début, on taffe, gros. On est descendu sur un coup de tête avec Bloodbass. D'ailleurs, grosse dédicace à Bloodbass aussi. Il fait quoi maintenant? Il fait des trucs de mariage, non? Il fait des mariages, il fait des publicités et tout. Il est dans son truc. Il vit de ça maintenant? Il pourrait, mais il a d'autres trucs aussi. Il travaille à côté. Vraiment, non. Vas-y. Et niveau scène, est-ce que t'as fait beaucoup de scènes? Non, beaucoup moins que toi, ciao. Il a fait des showcases à la 8ème. Ouais, moi, j'ai jamais fait de scène comme toi. J'ai fait que des showcases. Que des shows en boîte, ouais. Ok. C'est plus mon délire. Venez. Que sur Bezac, ailleurs. Ouais, bon, on a déjà fait un petit peu dans d'autres coins, mais j'en ai déjà fait aussi dans le sud, j'en ai fait quelques-unes. C'est dans des bars, tu vois, dans des petits bars, okay. Des trucs comme ça. Mais ouais, surtout Bezac. Et est-ce que t'as un meilleur souvenir, un truc. Le meilleur showcase qui sort de. Ouais. Le Pulp. Ouais. Il y avait du monde. Ouais, ouais, c'était un truc ouf. C'était avec Kevin. T'étais chaud, toi. Mais non, mais j'étais pas là. Il préparait déjà l'émission, en fait. Il y a 7, 8 ans, il préparait déjà le bail, tu vois. T'étais là ? Est-ce que t'étais là ? Non, j'étais pas là. Mais ouais, on avait du monde. J'ai vu la vidéo, elle est sur Dailymotion si jamais je t'apprends. Arrête ! Ouais, non, mais voilà. Putain. Si, c'est. Les archives. C'est moi qui l'ai mis, je crois. Ouais, d'accord. Ouais, il y avait du monde. En fait. Ouais. Ça, je sais pas. J'étais trop concentré. De sang-froid. Ouais, je te jure, j'ai pas vu ça. Ouais, okay. C'est vrai, putain, ouais. Mais c'était bien cette scène. Gros stress, première scène. On avait des fly officiels avec Kellet et tout. Ouais. Des fois, tu me sembles un peu fébrile. De quoi sur. Sur scène. Ah, mais c'était la première, gros. Oui, non, mais ouais, il n'y a pas de. Oui. Attends. Frère, comment un stress comment de fou. T'as pris ce que j'ai dit là? Moi j'ai fait une généralité, voilà, je t'attends dehors. Non, mais voilà, on voit que des fois. La date. Sur scène, gros, laisse tomber, on n'était pas sûr de nous. Tu veux que je te raconte une grosse anecdote ? Le son qu'on a fait, refait. C'était la première fois qu'on l'a fait. On avait que l'instru, on l'avait jamais enregistré. On l'a fait pour la première fois, genre ensemble. En live. Genre, on avait tellement peu de son qu'il pouvait passer un peu en boîte qu'on a dit on fait celui-là. Ah, c'était un stress de ouf. Kenneth était un peu plus à l'aise, moi, je te jure. Il nous avait posé des bouteilles et tout, Tony, là. Moi, j'arrivais pas à boire. tu vois l'état du gars. Il suçait le glaçon. Je veux pas chanter. Ah, je te jure. Non. Bah, en plus, tu voyais tout le monde qui se remplissait, qui s'installait Et puis, tu sais, comme c'est en boîte, quand tu chantes en boîte, soit les gens s'en vont. Ah, oui, je me souviens. Ils s'arrêtent de danser, ils se posent, ils te regardent. Bah, non, vas-y, continue. Soit tout le monde part. Soit il reste là. Ouais, c'est ça. L'expérience 2 ans après, c'était pas top. Il y avait plusieurs rappeurs et tout. Franchement, t'étais là, Chao. Ouais. Ah, on l'avait fait, c'est là. Non, c'était en septembre. C'était plus que 2 ans. Non, c'était 2 ans après. 2 ans après. C'était en 2012. Ouais, faudrait regarder alors. Mais ah non, je te le dis. Je sais pas top, hein. Je sais même pas si le Pulp, ça existait encore. Non, ça existait plus. Non, on l'a fait dans la grande salle. Oui. Ouais, mais c'était ça l'erreur. Les gens, il fallait leur laisser le choix d'aller voir et écouter quelque chose. Voilà, là, il l'avait imposé. Après, j'en ai fait d'autres au teasing, c'était une bonne expérience aussi. J'en ai fait 2 au teasing. Avec Théo 2S. Ouais, puis ciao. Bah ouais. Mais en fait, vous êtes un crew, vous deux, là. Vous nous... On est les. C'est vrai. Parce que non, mais maintenant. On est les individos. Qu'est-ce qu'il y a? Du Calvados. Non, mais maintenant qu'on est là, on peut se le dire. Ça fait des sons. Ça a des sons en prévision. Ah mon gars, on te dit pas tout. Ça fait longtemps que je connais, mais j'ai fait 15 fois que je vois. On te dit pas tout. Mais t'inquiète, là, t'inquiète, je suis son manager en ce moment. Ouais. Contre un billet. Nous, faut voir avec KB, toi, tu vois avec Jeunesse. Exactement. Ok. Bon, on va dire, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que t'es là. Attends, je te coupe, Chao. Il y a beaucoup de commentaires. Les gens, ils me disent, d'ailleurs, dédicace à Fred. Il est vraiment chiant l'autre, bousille-lui les ligaments croisés. Je crois qu'il parle c'est de toi, Jeunesse. Bah moi, si on peut éviter, je les ai déjà fait une fois. Les mecs, je pense que c'est toi. Là, je suis cool. T'es au 2S quand je suis arrivé chez toi, j'ai dit quoi ? J'allais être cool, non ? Tu vois, Fred, il a dit qu'il était cool, donc on va le laisser tranquille. Dédicace à Romuald aussi, à Luba et Jalil. La sécurité des Galeries Lafayette. Ok, ok. Luba, c'est Tarko ? Ouais. Ah, ok, ok. Tarko, d'ailleurs, je tenais à m'excuser d'ailleurs, auprès de Tarko parce qu'on devait faire sa vidéo et j'ai perdu toutes les vidéos. Voilà, je devais, on devait monter sa vidéo, son freestyle. T'inquiète, on va s'arranger. Zagby. Tout ça. On va s'arranger. Je suis vraiment, arrive, hein. Voilà, je me suis pourquoi t'avais tout filmé ? Ouais, j'avais tout dans mon bigo, j'avais tout dans les téléphones, enfin bref. On va s'arranger, Tarko, t'inquiète. Ouais, du coup, pour retrouver les images, ça va être compliqué. Non, t'inquiète, j'ai une idée, là. Ton évolution, tes projets, tes clips depuis 11 ans jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, t'en es où ? Est-ce que t'as d'autres projets qui arrivent ? J'ai sorti Sommeil, disponible sur les plateformes digitales, tout ce qui est Napster, Deezer, Apple Music. J'ai BLM et j'ai un EP en fait, qui arrive de 8 à 10 sons, je vais voir. Okay. Peut-être qu'il y en aura un de plus si tu viens. Et... comment dire, ça devait sortir là en juin, quelques galères de mix. Donc, soit au milieu de l'été, soit septembre. C'est un petit EP juste en digital. Ok. En attendant de préparer un autre album pour février, mars 2020. Ça veut dire quoi, EP ? Ah, ça, mon pote, je sais pas. Est-ce que je le sais ? Moi, je l'ai su. Non, je l'ai su. Je le sais pas, en vrai, c'est pas un piège. Hein. C'est pas. Ah, je l'ai su, putain, il y a pas longtemps qu'on me l'a dit. L'EP, ça doit être production, non ? Ok, bien joué, merci, Chaud. Le E, ça doit être. Élastique. Elastic Product, ouais, non c'est... Non, j'en sais rien, mais je sais on pas. Non, je savais, hein, mais je sais plus. Je ne sais pas. Extrait de production, un truc comme ça. Et une question annexe, complètement en dehors de toi. Le rap actuel, ton avis, ton point de vue, son évolution, l'exposition du rap. Moi, je kiffe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Franchement, si moi ou toi, jamais été aussi. Il y a 10 ans, si on avait été dans cet engouement que les jeunes ont, je pense qu'un gars comme Shao, avec les vues qu'il avait sorties, ce serait autre chose. Hein. Ouais. Après, voilà, moi j'aime beaucoup la tangente qu'il a pris. Justement, tout à l'heure, tu as dit le rap, c'est Julisé, etc. Les Gims, les Jules, les PNL, ils ont ramené. C'est ça, en fait, là, maintenant, c'est la musique pop, le rap. Et c'est ça que tout à l'heure, tu me disais, mets-toi dans une case. Je voulais dire pop, mais je l'ai pas dit. C'est ça, gros. Je fais, en fait, tu mets une instru à je vais rapper dessus. Tu mets une instru reggaeton, je vais rapper dessus. Rap à l'ancienne, je vais essayer de rapper dessus. Mais voilà. Rap à l'ancienne, tu vas essayer de. On peut. Oh, est-ce que je peux te lancer un défi là, putain. Non, mais pas. Attends, j'ai un appel. Non, mais pas là en live là. Genre là, dans les prochains sons, tu poses un truc sur du boom bap. Ouais, vas-y. C'est possible. Bien sûr. Tu le tiens le défi ? On essaie. De toute façon, c'est enregistré. Hein. Je vais bien couper le truc et je vais le balancer sur Instagram. Gamin. Non, vas-y, t'inquiète, on verra plus tard. Mais ouais, moi je suis content de comme ça prend. Toi, vraiment, t'as tout. C'est-à-dire que justement, tu peux trouver du rap à l'ancienne. Les mecs dans les classiques à la Nekfeu et tout, tu sais, qui ramènent ces délires-là, ou les mecs à la PNL qui te ramènent du Cloud Rap. Les Jules, les Naps. Du Cloud Rap. Cloud Rap. Ah. Ouais, parce que du Cloud Rap, c'est un autre bail encore. C'est un délire de Claude François. C'est un autre bail encore. Ok, bon, écoute, moi là, c'est le moment de te faire travailler. Ah. Je crois que t'écris sur ton téléphone, donc ça tombe très bien. Ouais. Donc là, c'est la rime facile, je t'explique. J'ai encore deux morceaux à passer. J'ai FQCB, faut que ça bouge, fit moi-même. Il dure 4 minutes. Après, il y a le son latino qui dure 3 minutes. Donc, tu as 7 minutes pour nous écrire un mini texte, a cappella ou sur une prod, comme tu veux. Et je t'impose 10 mots. T'es prêt ? Je te dicte les 10 mots. Le premier, c'est... Bon, je les ai pris avec les titres de tes clips en gros, okay. Et de tes albums, tout ça. Le premier, c'est Latino. Okay. Le deuxième, c'est Sommeil. Le troisième, c'est Entreprise. Le quatrième, c'est Muscu. Ouais, tu fais de la muscu, donc... Le cinquième, c'est Birthday. Le sixième, c'est Refait. Je t'ai fait une rime, là, si tu veux. Le... Je sais plus combien on est. Labo. RSA. Insomnie. Et le mot bonus pour Jounes. Claquette. Alors, ça fait plusieurs jeudis qu'il nous sort claquette. Claquette, hein. Juste, attends, donc, j'espère que tu vas sortir une vraie rime avec claquette parce qu'il nous fait. Juste en regardant les mots, je peux te le faire, moi, ton texte, vite fait. Je suis un latino, j'ai sommeil dans mon entreprise, je fais de la muscu. Le jour de mon birthday, je suis refait. Dans mon labo, je touche le RSA. Et je suis insomniaque. Ok. Voilà, donc tu peux pas dire tous les mots à la suite. Donc voilà, j'ai cramé le truc. Okay. René, fais un peu feu, Luffy. Donc là, ce que je te propose, c'est que je balance les deux sons. Donc FQCB, le clip est disponible. Latino, le clip est disponible. Tout c'est sûr. Quoi la chaîne? La chaîne Sofroi 25, 100 FROA 25. Ok. Attends, j'ai juste une info BFM. EP, ça veut dire Extended Play. Exactement. Play. Exactement. Yes. Info yes. BFM du Portugal. Merci beaucoup, Théo Desès. BFM pour tous, merci. From Silvares to Besançon tonight. Donc, l'émission spéciale Sans Froid pour la rime facile, on lui balance deux petits sons le temps qu'il nous écrive ses bails. Après rime facile, on envoie la prod du freestyle. Et puis après, on est.